Survivrai-je au destin, aux laideurs de la vie, aux journées sans travail et aux nuits sans amour, à la rue qui m'accueille en me servant de lit, à la mendicité qui occupe mes jours? J'avais pourtant servi le pays, la nation en respectant les us, les nobles traditions, apprenant un métier, fondant une famille, j'ai suivi la raison en n'aimant qu'une fille. Mais tout a basculé en perdant le travail. Perdu la dignité, perdu le rang social, les amours fragiles, aussitôt envolés, ne résistent jamais à la médiocrité. Et puis tu m'as souri, tu m'as tendu la main. Mon ciel calamiteux s'est éclairé soudain, balayant ma laideur et mon indignité.